France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Si le vélo s'appelle la petite reine, c'est à cause d'une reine des Pays-Bas, grande amatrice de vélo. En 1890, Wilmin, âgée de 10 ans seulement, succède à Guillaume III. Et la souveraine prend l'habitude de circuler dans son royaume à vélo. La presse française salue cette petite reine à bicyclette, notamment lors de sa visite en 1898. Très populaire à cette époque, l'expression désigne vite le vélo lui-même, la reine bicyclette, qui deviendra petite reine en 1911. Pour terminer la saison et avant le Tour de France 2019, une autre époque, avec peut-être quelque part l'histoire d'un roi du vélo. Bartali, déjà, c'est tout simplement un champion de hors catégorie. C'est déjà un corps de boxeur, un physique de boxeur par le visage et par la membrure. C'est quelqu'un de, non pas de pesant, mais de trapu, qui a tout de suite incorporé au vélo une sorte de rugosité paysanne. Et on aurait pu imaginer qu'il fallait y adjoindre une autre catégorie paysanne qui était la lenteur ou ce genre de choses. C'était pas du tout son cas. En fait, c'était une sorte de paysan explosif. Les deux échappées de la petite reine. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez. Qui montait par à coup extrêmement nerveux en montagne, qui passait sans arrêt du zéro à l'infini dans le pédalage. Et c'est un bloc, une compacité musculaire et mentale. Et c'est aussi quelqu'un qui sprintait, plutôt secret que taiseux, mais extrêmement grognon parfois et vindicatif, parce qu'il y avait en lui l'exigence un peu catholique et des gens simples et paysannes. Che sulla pista del Velodromo Bartali con spunto irresistibile è primo davanti a Fornara, Rossello e Astro. Era da 12 anni che Gino non première partie. Gino le Juste. Alors Gino Bartali est un toscano, on ne peut pas être plus toscan et plus florentin que Gino Bartali. Alberto Toscano. Et dans le sens qu'il a le caractère du toscan. À Florence, on dit on commence par se disputer, on commence par s'insulter et ensuite on devient ami. C'est une façon apparemment brutale de vivre la vie, en réalité très tendre, parce que le Toscan est généreux. Donc, il y a cette carapace brutalité apparente et il y a cette réalité de générosité. Donc, Gino Bartali, fils d'un paysan ouvrier, on dit sterratore en italien. Il travaillait la terre en tant qu'ouvrier. Il était en même temps paysan. C'est une famille particulière parce que le père est socialiste, clairement à gauche, et en même temps, la mère, mais toute la famille, sont très, très, très catholiques. C'est vraiment une démonstration de cette Italie paysanne qui vit au bord d'une ville où les sentiments de la solidarité sociale se mêlent aux sentiments de la tradition, qui est une tradition catholique, évidemment, parmi les paysans italiens. Et Gino Bartali commence à gagner ses courses en tant qu'amateur. Le père, à ce moment-là, craint qu'il choisisse ça comme métier. Il dit, mais non, tu dois choisir. Le mythe du père est avoir un fils qui devient ouvrier. Et l'idée qu'il devient un coureur comme métier ne lui plaît pas du tout. Et Gino s'impose au Giro d'Italia de 36 et sa consécration. À partir de là, il sera un mythe du sport à une époque où il y a en Italie un régime politique qui essaie de récupérer les champions sportifs et qui pratiquement impose aux champions sportifs de prendre la carte du Parti National Fasciste. L'intenso lavoro del Duce è quotidianamente preceduto da una rapida attività sportiva che ritempra le sue fresche energie e il suo vigore fisico. Eccoci a Villa Torlonia, nel bel parco dove Mussolini ogni mattina col primo sole si allena a cavallo sul campo ostacoli. En 1936, l'Italie est la troisième nation au niveau des médailles derrière les États-Unis et l'Allemagne. En 1932 aussi, aux Jeux de Los Angeles, l'Italie a montré déjà sa puissance. Jean-Pierre Favreau. Puisqu'on peut dire que le système fasciste se met réellement complètement en place au début des années 30. donc avec le Parti national fasciste qui est à la tête du CONI, le Comité olympique national italien, et à la tête des différentes fédérations. C'est une vraie étatisation du sport. Et à la tête des grandes fédérations, comme le cyclisme et comme le football. Le football, c'est le général Vaccaro, et dans le cyclisme, c'est le général Antonelli. Ils sont des généraux. Et puis, une petite note un petit peu humoristique, on peut dire, c'est que les hiérarques du système étaient obligés de sauter dans des cerceaux enflammés. Alors, au début des années 30, c'était peut-être... faisable, ça l'était beaucoup moins, c'était presque ridicule. Sauter au-dessus de baïonnettes ou de cerceaux enflammés, c'était une obligation que Mussolini imposait à ses hiérarques. Et c'est aussi cette idée que le sport va unifier l'Italie, enfin, parce que Pierre Carré. L'Italie est toujours cette nation jeune, cette nation coupée en deux, entre un nord qui est évidemment prospère, qui détient tous les leviers de commande politique, économique, et puis un sud, un Mezzogiorno qui crève de faim. Et le sport, et a fortiori le vélo, dans les années 30, va donner aux Italiens cette impression d'avoir un destin commun. Entre le nord, le sud, et le sud-sud, hein, y compris la Sicile, l'expression est un peu coûteuse à employer, mais la Sicile va, sous Mussolini, retrouver de véritables couleurs, parce que il va essayer de lutter contre la mafia, il va essayer d'implanter une économie locale. Bon, évidemment, c'est de manière tout à fait intéressée, ne serait-ce que parce qu'il est déjà en train de préparer la bataille de l'Afrique du Nord et d'installer des bases aériennes en Sicile. Mais conjointement, bien sûr, on va trouver le Tour d'Italie cycliste qui fait enfin étape, plus de 20 ans après sa création, en Sicile. Et donc, ça y est, l'Italie est unifiée. Le Giro d'Italia de l'année 36 et un Giro d'Italia, il gagne parce que il gagne les étapes de montagne, les étapes alpines mythiques qui font sur les Dolomites et sur les Alpes piémontaises et de Val d'Autène, la grandeur du Tour d'Italie, ces étapes inoubliables. Donc il gagne parce qu'il est le plus fort en montagne, et il gagnera en 37 parce qu'il sera plus fort en montagne. Bartali, il y a une composante éminemment guerrière et virile chez lui. Philippe Bordas. Il y a quelque chose de fantassin, et cette catégorie typiquement italienne qui sont les chasseurs alpins. C'est un alpin au sens italien, les chasseurs alpins italiens, c'est des mecs extrêmement endurants, mais élégants, qui sont pas juste des troupiers. Il y a une sorte d'aristocratie de la montagne en Italie. Quand vous êtes un alpin, c'est avec la plume sur le côté, c'est magnifique. Et c'est là, une fois gagné deux fois consécutives le Tour d'Italie, que le régime fasciste et Mussolini en personne essayent d'imposer à Gino Bartali de disputer le Tour de France. Le Tour de France était une compétition absolument particulière à cette époque, dans le sens que le Tour de France se disputait par équipe nationale. Donc cette idée qu'un coureur italien, qui plus est, comme porte-drapeau de l'équipe nationale italienne, puisse gagner le Tour de France, est une idée qui séduit évidemment le régime fasciste à un moment où ce régime est engagé dans une polémique politique par rapport aux autres pays européens, France en particulier, parce que l'Italie a envahi l'Éthiopie, il y a eu les sanctions à l'automne 35, les sanctions ont été levées en 36, mais en 37 encore, il y a cette atmosphère de polémique de l'Italie fasciste par rapport en particulier à la France. Et donc, cette idée qu'un Italien puisse gagner sur le sol français la plus importante de toutes les compétitions sportives qui se déroulent en France, est une idée qui évidemment séduit Mussolini. Bartali ne gagne pas ce tour, il est blessé, il veut continuer, le régime lui impose de se retirer. Donc une double imposition qui blesse Bartali. La première, de participer à une compétition par rapport à laquelle il ne se sentait pas préparé, parce qu'il ne s'était pas entraîné pour disputer le tour après le Giro d'Italia. Et deuxième chose, une fois entré dans la compétition, il voulait arriver jusqu'au bout et le régime lui impose de se retirer après une blessure parce qu'il n'aurait pas gagné. C'est une relation très compliquée qui existe entre Gino Bartali et le régime fasciste. L'un et l'autre sont des boulets, ils cohabitent mal. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le choix. Dès lors que Bartali éclate sur la scène sportive, il ne peut pas se faire assassiner comme un opposant politique, comme un Matteotti par exemple. Alors, à l'époque, il existe une histoire très trouble qui remonte à 1927. Ottavio Bottecchia. La morte di Bottecchia è avvolta nel mistero, un mistero che proprio come una corsa ciclistica sembra aver seguito delle tappe. Iniziamo dall'ultima. Ce cycliste qui remporte quand même le Tour de France est retrouvé mort sur une route. Alors, est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est un paysan qui le tue accidentellement ? Troisième hypothèse qui va s'installer petit à petit dans les esprits, est-ce que c'est un crime? Bottecchia, quando viene raccolto il 3 giugno del 1927, ha la testa fracassata e scoriazioni e contusioni in varie parti del corpo. De miliciens fascistes locaux qui ont voulu éliminer ce coureur qui n'est pas assez versé dans la propagande. Alors, quoi qu'il en soit, le spectre de cette mort tragique, brutale, va, je pense, hanter le peloton italien aussi, et en tout cas donner cette idée qu'il n'est pas de très bon ton de s'opposer, et il est même fortement recommandé de se plier au cérémonial fasciste. Et ce que ne va jamais faire Bartali. Bartali se tient à distance, il va refuser de se rendre dans les soirées du régime, et on va lui en tenir rigueur, hein, régulièrement, on va lui dire qu'il serait quand même préférable, ne serait-ce qu'il prenne sa carte. Et il va toujours s'y refuser. Alors, Bartali va quand même accepter indirectement d'être le jouet des fascistes. Il est en toute petite partie complaisant ou consentant, et il est en partie réfractaire. Ça, c'est le Bartali d'avant-guerre. Francia 1938, Francia la dolce, ma amara e faticosa per il tour. Bartali aveva 24 anni. Alleato alla sua foga, il 13 sulle spalle, il buon amuleto. Quelques jours, quelques semaines avant la victoire de Gino Bartali au Tour de France, juillet 38, il y a, toujours à Paris, au stade de Colombes, la finale entre Italie et Hongrie de la Coupe du monde du football. L'Italie, dont les couleurs sportives sont les bleus, la squadra azzurra, joue la finale contre l'Hongrie avec la chemise noire, symbole et drapeau du fascisme. Elle gagne et tous les membres de l'équipe de football de l'Italie ont la carte du parti fasciste. Tous sont militants du parti fasciste et tous, comme un seul homme, une fois l'Italie gagnée, ils font le salut fasciste devant le public français qui siffle ce geste. Mais les journalistes, les caméras italiens, évidemment, il y a les photos qui paraissent dans la presse italienne de cette image du salut fasciste de l'équipe qui a gagné. Et quelques semaines passent entre la victoire de l'Italie au stade de Colombes en juin 38 et la victoire de Gino Bartali au Tour de France en juillet 38. Et Gino Bartali déçoit le photographe italien et provoque l'enthousiasme de la foule française. Gino Bartali refuse de faire le salut fasciste. Ensuite, il y a les lois raciales qui tourne une page qui était certainement délicate. Il y a eu des phénomènes, sans doute aussi, d'antisémitisme avant 38. Mais à partir de 38, l'antisémitisme devient institutionnel. Le juif ne peut plus travailler dans l'école publique, ne peut plus travailler dans les administrations publiques, ne peut plus travailler dans l'armée, il ne peut plus étudier à l'école publique. Le juif ne peut plus se marier avec un non-juif. Et je pourrais continuer. Donc, ces lois raciales horribles du 38, signées pour ratification par le roi Victor Emmanuel III, chose qui constitue une énième tâche, peut-être la plus lourde, sur la mémoire de la dynastie de Savoie, C'est là aussi la monstruosité des lois raciales. Parce que les lois raciales disent que la hiérarchie des races est un phénomène biologique. Ce n'est pas un phénomène religieux. Ce n'est pas un phénomène culturel. C'est un phénomène biologique. Et le terme biologique est dit et répété à maintes reprises dans les textes de cette série de lois, de décrets et tout ça, qui sont connus historiquement comme loi raciale de l'année 38. La déclaration de guerre est déjà stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna et di Francia. L'Italie entre en guerre le 10 juin 40. Quand Mussolini a cet acte de lâcheté extrême de déclarer la guerre à une France qui a déjà été pratiquement battue, de fait, par Hitler. Donc, il attaque un pays qui est déjà aux genoux. Juillet 43, il y a le débarquement anglo-américain à Sicile. L'Italie de 43 signe l'armistice avec les Alliés, et à partir de ce moment, l'Italie est envahie et dominée par les Allemands de nord à sud. Les Alliés remontent l'Italie de sud à nord. Bartali, comme la plupart des coureurs cyclistes de son époque, est localisé dans le nord, parce que le cyclisme italien, longtemps, ça a été le nord, étant donné que le nord était le foyer économique. Donc c'est là que pouvaient vivre les gens qui s'offraient une bicyclette. Il est au nord, et donc, il est dans le mauvais côté de l'Italie, République de Salo. Disons que la grande partie sud de l'Italie est maintenant du côté des Alliés. Les anciens compagnons de Mussolini l'ont débarqué, l'ont fait emprisonner au Grand Sasso, qui va être d'ailleurs ensuite un des hauts lieux du Tour d'Italie cycliste, hein, puisque les coureurs vont monter jusqu'à ces altitudes-là. Bartali se retrouve, lui, du côté des lignes qui sont pro-nazis. Les nazis administrent de fait l'Italie du Nord. Pour autant, ça ne va pas le dissuader de mener son action de résistant. Et c'est à ce moment, à l'automne 43, que la persécution antisémite cesse d'être une persécution d'isolement de la communauté juive et devient une persécution de déportation et d'assassinat. Il y a le plus tragique épisode de la persécution antisémite en Italie, c'est la rafle du ghetto de Rome le 16 octobre 1943. Et il y a des unités spéciales de SS qui arrivent d'Allemagne pour réaliser la rafle du ghetto. Il y a un millier de personnes qui sont prises, mises dans des camions, et elles seront presque toutes déportées à Auschwitz. Et à ce moment, le 16 octobre 1943, et dans les jours suivants, le pape Pie XII ne dit pas un mot sur cet épisode. Au moment de l'occupation allemande de l'Italie, en septembre 43, certaines personnalités catholiques, en particulier les archevêques de Gênes, de Florence et l'évêque d'Assise, décident qu'il faut faire quelque chose. Ce quelque chose est héberger des juifs et d'autres persécutés, aussi des résistants, aussi des Roms, dans des couvents, et procurer à ces juifs des faux papiers et faire en sorte que ces juifs ne puissent pas être objet d'une rafle des fascistes ou des Allemands. Cette décision est prise en accord avec des personnalités de la communauté juive, et en particulier avec un homme extraordinaire auquel il faudrait rendre hommage, et qui est le rabbin de Florence, Nathan Cassuto, déporté à la fin de l'année 43 et mort en déportation début 45 en Allemagne. Donc Nathan Cassuto, de sa profession médecin, trouve immédiatement, qui a des contacts avec des responsables catholiques à Florence et qui connaît l'archevêque Elia Dalla Costa, et qui met au point ce mécanisme qui permet de sauver des centaines, je pense bien plus que 1000 vies humaines dans le couvent. Et les trois archevêques chargent certains de leurs collaborateurs de confiance d'organiser concrètement, de façon opérationnelle, le réseau. Gino Bartoli était membre de ce réseau parce qu'il y avait une chose que seulement lui pouvait faire. Et c'est son ami Elia Della Costa, archevêque, ami c'est un peu fort, mais enfin, il le connaissait bien, archevêque de Florence, qui avait béni l'hôtel dans l'appartement de Bartoli consacré à Sainte Thérèse de Lisieux, qui avait célébré le mariage de Gino Bartoli en 1940 avec sa très chère Adriana. Donc, l'archevêque de la Costa propose à Bartoli de s'engager parce qu'il y a une chose que lui seul peut faire, et c'est de devenir facteur de la liberté. À vélo, il part de chez lui, donc à Florence, et il se rend dans plusieurs villes italiennes. Il fait des distances très très longues, au-delà de 300 km, soit à destination du nord, soit même dans les Abruzzes, qui est vraiment le triangle des Bermudes italiens, le désert absolu, des routes pas du tout carrossables. Et il se rend de cette façon, de monastère en monastère, puisque c'est là que sont cachés des juifs, qui attendent des faux papiers afin de pouvoir bien trouver refuge dans d'autres pays. Et c'est comme ça qu'il cache dans le tube de son vélo, le cadre de son vélo, à la fois des faux papiers, quelques billets de banque aussi. Et alors, on dit qu'il trompe la vigilance des patrouilles nazies ou fascistes nazies qui peut l'arrêter en cours de route. Il trompe leur vigilance en tout simplement en s'arrêtant, en discutant, en leur disant qu'ils s'entraînent, en leur récitant quelques anecdotes de son cru sur sa carrière. Et c'est un personnage qui est très célèbre. Hein. En fait, souvent, on l'arrête d'ailleurs quand on le voit, pas parce qu'il est suspect, mais parce qu'on est très fier de croiser Gino Bartoli. Il peut se permettre de se déplacer à vélo parce que il garde son maillot, Bartoli, ou lorsqu'il y a la milice fasciste qui l'arrête, ou des Allemands même, hein, puisque les SS ont pris en 1943 une partie du pouvoir en Italie, avec la milice fasciste, il arrive à passer, on ne le fouille pas, alors que le vélo est considéré comme un objet subversif. Il interdit à Florence, par exemple, en 1943, le vélo, parce qu'on sait très bien que avec le vélo, on peut transporter des documents, et ça peut être un moyen de subversion, en tous les cas... difficilement contrôlable. Il pouvait faire ça pour deux raisons. Une, il avait de bonnes jambes. Deux, il y avait un prétexte pour circuler à vélo dans l'Italie de ce moment, qui était évidemment l'entraînement. Je suis Gino Bartoli, je suis champion. Il avait circulé avec un maillot avec écrit Bartoli. Si quelqu'un ne l'avait pas reconnu, il ne pouvait pas rater son nom. Donc, grâce à ça, avec sous le prétexte de l'entraînement, il circulait dans une Italie dévastée par la guerre, avec des checkpoints partout. Et parfois, on lui demandait même un autographe. Et on lui faisait parler de cette étape du Tour de France ou du Giro d'Italia. Mais surtout, mais ils n'ont jamais eu l'idée de démonter son vélo. Et c'est comme ça que pendant des mois, c'est-à-dire entre le temps 43 et la libération de Florence à l'été, lui, il a fait des dizaines. On ne connaît pas le nombre de voyages qu'il a fait, parce que lui, il n'a jamais parlé de ça. La ligne est interrotta. I passeggeri diretti a Verona tornino sulle carrozze. Bartoli est surveillé. Bartoli, on le sait qu'il est à l'Action catholique, mais bon, étant un coureur cycliste de dimension internationale, représentant de l'Italie fasciste, on ne peut pas faire grand-chose contre lui parce que c'est un symbole. Les dignitaires fascistes, entre autres, il est surveillé par l'OVRA, hein, donc la police secrète, qui a des doutes sur ses voyages, mais on n'a rien de concret. Il popolo italiano! Et le régime fasciste sono una unità compatta, infrangibile. On dit qu'il a sauvé 600 noms, ou plus de 600 noms. Alors, en fait, il a contribué à les sauver. Il ne s'agit pas une seconde de diminuer son acte de bravoure, mais du point de vue scientifique et de la recherche historique, il y a encore des pièces à fournir. Disons que les témoignages sont tout aussi étourdissants, bouleversants, que lacunaires et tardifs. Donc c'est une matière qui est encore très chaude à étudier. Ce qu'on sait ou ce qu'on croit maintenant savoir par recoupement, c'est que Bartali opère, lui, pendant toute la période de la guerre, mais avec aussi des périodes d'interruption, ne serait-ce que parce qu'il va aller au Vatican. Il va se réfugier au Vatican quelque temps. Période qui n'est pas très bien documentée, mais dont on va lui tenir rigueur, puisque à l'époque, le Vatican est un État neutre, et disons que l'État fasciste ne va jamais accepter que Bartali ait passé du temps au Vatican, il va être emprisonné. Bartali va se cacher aussi, régulièrement déménager, alors toujours dans sa région autour de Florence, mais disons qu'il se sait recherché. Le Bartali, facteur de la liberté, héros sur son vélo, évidemment, ne va pas œuvrer pendant 4 ou 5 années de guerre, ça c'est certain. Mais disons que la période estimée, c'est plutôt 43-44. On a le témoignage des bonnes sœurs qui étaient assises, et on a le témoignage de personnes qui l'ont vu dans cet itinéraire, mais on n'a pas de repère exact, combien de fois, quel était son itinéraire exact, parce que lui, il n'a jamais dit un mot sur ça. Et quand on a commencé à parler de ça, lui, il a même menacé de porter plainte les journaux qui auraient révélé ce que lui, il avait fait pour sauver des personnes. Et lui a toujours dit la phrase, il y a des médailles qu'on obtient dans cette vie, et pour lui c'était les médailles sportives, il voulait gagner. C'était un coureur, un champion sportif extrêmement, extrêmement déterminé pour gagner, et des médailles qu'on aura dans une autre vie. Et de ces médailles-là, lui, il n'a jamais parlé. Et la fille de Gino Bartali m'a dit qu'une seule fois, son père lui a dit, quand elle avait une douzaine d'années, une phrase qui aurait laissé entendre ça. Et c'est seulement après sa mort que le président de la République italienne, Carlo Azeglio Ciampi, lui a donné la médaille d'or civique de la République italienne pour avoir sauvé, il a dit, au moins 800 juifs pendant la période 43-44. C'est seulement après sa mort que son nom, avec le nom de l'archevêque de Florence, l'archevêque de Gênes, l'archevêque d'Assise et tous leurs collaborateurs ont été gravés sur le mur de Juste à Yad Vashem, à Jérusalem, le nom de Bartali. Gino, grazie per l'Italia. Eravamo anche i più lontani dalla Sicilia alle Alpi, tutti intorno a te in questo momento. Vai Gino, vai, vai sulla tribuna. Ti aspettano i simboli del trionfo. Gino, sei grande. Gino le Juste, fin de la première partie. Avec Philippe Bordas, Pierre Carré, Jean-Pierre Favero et Alberto Toscani. Archivina, Sophie Enoch. Prise de son, Jean-André Genechini. Mixage, Éric Boissé. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Perez. E tu mi fai, dobbiamo andare al cine, vai al cine, vacci tu, zazzarazzas, zazzarazzas, zazzarazzas. La suite du documentaire des deux échappés de la petite reine, ce sera demain à 13h30